Comment est né ton intérêt pour le livre d'artiste? Mon intérêt, c'est pratique, c'est de trouver un mode d'expression. Et il faut dire que ça a toujours existé. Et on a commencé par les enluminures et les papyrus. Et l'art a été présent dans les livres. Alors, dans le cas de mon travail particulier, c'est un travail qu'on pourrait considérer conséquence du situationnisme, de ce qu'on appelait les détournements, seulement que je les pratique pas d'une manière politicarde, mais plutôt dans le sens aussi que les situationnistes avaient donné au vécu, à la critique du quotidien, au journal intime. Et c'est venu de prime abord parce que toi, tu as trouvé à la Feria del Libro de Madrid, à l'occasion de la Feria de San Isidro de Tauromachie. Ah oui, le livre Et la Tauromachie de d'Antonio Goya, Goya, oui. en édition facsimilée numérotée, et que c'était accessible et que tu l'as acheté, tu me l'as offert. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à colorier ces planches. Qui sont magnifiques d'ailleurs. Et merci. Et en tout cas, là, j'ai noté aussi, à part des coloriers dans les marges, j'ai noté des aphorismes, des lettres, des chansons et mes messages que j'allais effacer, que je voulais conserver. Tes Donc, à messages partir de là, s'installe pour SMS? moi une méthode de travail qui est que ces journaux intimes, parce qu'il y a mes messages intimes, il y a un côté de travail avec l'imaginaire dans la mesure où je suis confronté à des images préalables. Et il y a parfois collage, parfois dessin dans les parties libres, parfois retouche à la couleur, pastel, aquarelle. Quel est le rôle du collage par rapport au dessin? Tu fais qu'est-ce comment tu organises collage et dessin dans le livre d'artiste? Comment ça cohabite tout Et cela? ça cohabite dans la mesure où il y a des images qui ne sont pas traitables pour moi, qui rendent pas avec les coloriages ou avec la retouche par feutre ou par feutre pigmenté, bien sûr, ou par crayon. Et donc, ça demande. Parce qu'il y a, par exemple, un noir et blanc très foncé, parce que. Par plein de raisons, et qui me donnent des idées de les accoupler à d'autres matériels qui ne sont pas forcément issus du livre même que je récupère, mais des récupérations des vieilles magazines italiennes des années 70. J'ai utilisé aussi les matchs, Paris Match du régime de Vichy, qui est vraiment. Ça donne froid au dos quand on voit un peu l'agencement de la propagande frivole, mais en même temps grave. Et donc des matériels divers qui vont s'insérer sur les images du livre, quand les images du livre ne sont pas pour moi satisfaisantes, c'est-à-dire qu'il manque quelque chose, que je vois que l'image ne me parle pas, alors je colle des choses dessus, pas forcément pour cacher, mais pour compléter l'image. Par la suite, il y a des écritures toujours, des dates. Parfois des signatures, je pourrais signer une seule fois les livres d'artistes, mais parfois je signe plusieurs pages. Ça, je ne saurais pas expliquer, c'est un peu irréfléchi. Et comment tu choisis ton livre? Comment tu choisis ton support? J'ai choisi des livres qui me semblent déjà relativement beaux, mais que j'ai pas de remords à récupérer dans la mesure où c'est des livres qui sont démodés. Et démodés parce que c'est du noir et blanc, démodés parce que j'avais ma tante qui voulait jeter des vieux livres d'art parce qu'elle n'avait pas de place dans sa nouvelle bibliothèque. Je les ai récupérés et j'ai tiré parti parce que même si c'était des vieux livres d'art, les textes n'étaient pas magistrales, mais les images d'œuvres d'art étaient noir et blanc, mais permettaient de colorier. Et en même temps, j'ai profité pour renouveler un peu ma vision de l'histoire de l'art. Ça m'a servi d'étude. Quelquefois, à l'aquarelle, je peux faire des choses très diverses. Je peux, par exemple, sur la mission Pelliot, sur les planches bouddhiques, me mettre un jour sur une planche où il y a plein de Bouddhas étalés, des bodhisattvas, des différentes manifestations du Bouddha qui sont toutes pareilles, toutes symétriques. Et je peux m'amuser à leur dessiner des gros seins, des femmes, à tous. Ou bien je peux, avec l'aquarelle, faire un lavis, une demi-teinte sur une photo. Donc c'est des choses diverses. Mais comme les couleurs persistent, parce que les aquarelles, je n'ai pas une centaine, j'ai un nombre limité. Il y aura une gamme, il y aura une palette dans l'ensemble, même au long des années. Et puis, comme tu vois ici, dans les pages libres, je profite pour dessiner des scènes intimes. Je préfère, dès que je peux, j'essaie de travailler d'après poste, même pour un livre d'artiste, même si ce n'est pas un ouvrage majeur, que les dessins correspondent à des postes de quelqu'un, comme ici, Avec moi. avec toi. C'est sur le livre L'Italie. L'Italie est une merveille, mais chaque fois je change le titre, je modifie le titre. Donc, j'ai laissé répéter une partie du titre, l'Italie ou merveille, et j'ajouterai, j'ai collé quelque chose avec un titre personnel. Mais il est très beau ce livre parce que les héliogravures, c'est de l'hélio des noirs et blancs, Là, ces c'est héliogravures pas sont de magnifiques. Si, si, c'est de c'est toujours l'héliogravure. de Oui, l'héliogravure. oui, oui. Oui, en effet, en effet. Cette juxtaposition du noir et blanc avec Tel Aviv, c'est Oui, là c'est particulièrement pour ça que intéressant. là quand les nonnes descendent de l'escalier italien de cette espèce de très ancien couvent moyenâgeux et qu'elles descendent toutes pensives, j'ai mis par exemple putain c'est bon, c'est-à-dire comme si la nonne venait de voir le dessin qui est à côté et halluciner en couleur. Et là c'est un autre dessin. De manque. Oui. Donc celui-là va avoir un peu plus d'air parce que les dessins, je les laisse sans trop de choses autour. D'autres fois, non. Il y en a des livres d'artistes que j'ai fait où les dessins est inséré dans son petit recoin. Et ça dépend. Là, tu utilises des Mais cases je blanches de. préfère utiliser les pages blanches pour dessiner et là où il y a des choses, ajouter encore d'autres. Là, les Pantocrators, je lui ai fait des cernes pour les faire un peu plus vieux, pour imaginer. Parce que là, le Christ, il a quelque chose d'un gitan espagnol. Et les cernes correspondent déjà à l'âge, à la maturité de l'artiste gitan. Donc, quelque part aussi, c'était ma propre gitanité en tant qu'espagnol, ma propre judaïté en tant qu'espagnol. Toutes ces identités déniées, effacées, gommées par l'Église catholique espagnole et par les dictatures successives. Bon, là, il me reste encore des pages à travailler. Là, pourquoi tu m'as fait à l'envers? À l'envers, parce que comme c'était allongé, j'étais dans les besoins de prendre les papiers autrement. Donc, ça va faire que c'est lui qui prend les livres, les retourne, c'est lui qui les voit en version numérique, fait tourner son écran. Pourquoi en version numérique? Parce que je pense que tout ça, c'est voué. Et j'espère que ça sera mis en forme numérique parce que ces livres d'art ne peuvent pas être exposés dans un musée parce qu'on verrait pas, on pourrait pas tourner les pages parce que souvent elles sont collées. Elles se collent. Les livres Ou si vieillissent elles ne se collent pas, en tout cas, elles sont difficilement. Elles fragiles. sont fragiles. Donc j'ai postule pour une édition de tous ces travaux qui soit numérique, dans lequel on puisse agrandir les détails, on puisse se promener par les livres, Dans l'image, dans l'image. dans le dessin, Parce dans que tes là collages. même, par exemple, là, sur cette colonne qui est un peu comme celle de la place Vendôme, mais je pense que c'est un autre, c'est italienne, colonne Trajan, Oui. Trajan, la colonne de Trajan. Trajan. Là, il y a plein de détails. Et moi, je me suis amusé, comme j'avoue que les légionnaires romains massacraient les populations barbares. Je me suis amusé à peindre tous les écus des légionnaires pour repérer combien de légionnaires avaient là et quelle serait la stratégie à suivre pour les combattre. C'est-à-dire, j'ai laissé signaler en bleu. Les quoi, excuse-moi? Les forces répressives de l'ordre. C'est comme Les boucliers, tu veux les dire? boucliers, oui, c'est comme le bouclier des CRS. Je me suis dit, bon, je vais faire un travail d'analyse du combat des rues. Appliqué à À l'époque la colonne Trajan. Trajan. Là, c'est un portrait de toi. J'ai En fait, il y en a pas mal, hein. stylisé. J'aime beaucoup les dessins de non seulement Gonchi, mais Gustav Klimt lui-même a des très beaux nus. Mais en France, vous savez, Matisse, les dessins de Matisse, c'est pour moi, et bien sûr Picasso, mais Picasso, c'est tellement bon que. Il y a tellement de côtés intéressants à apprendre que ça ne veut rien dire de se comparer avec Picasso. C'est-à-dire, on peut dire, là, dans les dessins, c'est sorti un peu Matisse. Ça implique Picasso parce que Picasso et Matisse étaient collègues et travaillaient pareil. Mais. Et oui, et j'écris aussi parfois des états d'âme, comme ici. J'ai collé parfois aussi de la pornographie bon marché, mais c'est pas très fréquent. Je l'ai fait sur ces livres que je suis en train de travailler à une époque précédente, quand j'avais commencé, parce que j'avais une envie de nudité. La nudité corporelle me manquait. C'était ça qui était mon aspiration la plus profonde, de voir les corps, de voir l'acte amoureux. qui juxtapose les grands canons de la beauté classique. Oui, qui juxtapose aussi parfois là. Ça vient du match du régime de Vichy. C'est des gens en train de communier. À Lourdes. Et en face, tu as quoi? Une actrice En porno? face, oui, une starlette porno que j'ai retouchée à l'aquarelle abondamment. Mais aussi, évidemment, des notes personnelles dans les marges. Là, notre dessin de toi en train de bâiller ou de rire. Tu te couvres la bouche, en tout cas, avec la main, avec le revers de la main. Voilà, je bâille. C'est pas parce que je m'ennuie pendant la pause, mais c'est parce que c'était C'est très parce que tard. C'était c'était très très tard dans la tard et tu nuit. avais J'avais beaucoup de sommeil. sommeil. Et là, je me suis permis de faire une chose qui est une découverte. Je n'aime pas copier mes œuvres d'après photo. Mais, sauf quand j'ai pris moi-même la photo. Mais j'avais tellement vu des fois une vidéo érotique d'un koi complet. Et entre une femme mûre et un homme en vingtenaire, en trentenaire. Et c'était si naturel et si spontané parce que c'était. On ne trouve pas souvent dans la pornographie des vrais actes amoureux. Mais là, la femme était vraiment, avait l'air d'être vraiment attirée pour la possibilité de faire l'amour. Et donc, il s'était inspiré. Donc, je l'ai revu plusieurs fois. Et du coup, j'ai mis l'image à tourner et je me suis mis à dessiner les personnages. Et c'est drôle ce qui est sorti parce que c'est comme si je les connaissais. C'est pas mon système systématique. Hein. J'ai fait ça dans deux dessins. Donc, c'est pas beaucoup. Souvent, les dessins érotiques, c'est des répertoires de ma mémoire, des situations coïtales dont je me souviens. Bon, là, c'est un portrait en aquarelle de toi, le visage. Là, c'est imaginaire, ce. Il y en a un que j'aimais bien, c'est là où tu avais utilisé un collage qui est sur un œil, qui figure. Tu as fait le dessin d'un grand Oui, oui, visage. oui. Sur la pupille, en Voilà. fait, était la pupille de l'œil était une chorégraphie de Broadway. Si petite dans la photo de Paris Match, et noir et blanc, que j'ai pu L'insérer. l'insérer à l'intérieur d'un œil d'une figure de ligne. Que tu avais Un dessiné. profil que j'avais dessiné sur une page blanche du livre. Et les pages blanches, je les obtiens en détachant les illustrations en couleur qui, à cette époque-là, étaient collées sur les pages parce qu'on ne pouvait pas imprimer directement les couleurs sur les. Ou du moins ça coûtait plus cher, Ça donc. coûtait plus cher. Donc on les Et imprimait à part. on les imprimait à part et on les collait. Et ça, bon, je les ai retirés. J'ai laissé quelque part à l'atelier. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais Il t'en faire reste encore. quelques-unes, j'ai vu, encore à retirer. Il reste quelques-unes, Oui, à la mais fin. ça manquera, ça va pas rater. Et quand je vais les repérer, je vais les enlever. Sauf si c'est intéressant. Moi, j'ai cru que tu les gardais, que tu allais dessiner dessous, tu vois. On soulevait l'image et on trouvait autre chose dessous. Non, là, tu vois, là, il y a encore une page blanche. Oh, il y en a Moi, sur encore, celui-là, presque une vingtaine il encore. y a un petit temps encore de De travail. travail. Et donc, des journées intimes. Peut-être, il y a des périodes où je note moins. Parce que je suis dépassé ou parce que je me repose? Il y a un côté maniaque, bien sûr, dans mon travail. Il me faut une préparation psychédélique, entrer dans la transe pour pouvoir aborder les collages surtout et les dessins. Pourquoi les collages en particulier? Je me souviens d'un collage que j'ai fait en étant très assommé par mon état de transe. Et du coup, en fait, je me suis trompé de page. Je voulais coller une chose dans une page, je me suis trompé. Donc j'ai dû la décoller, ce qui a laissé plein de colle la page Sur la page. sur la page où j'allais pas vraiment coller la chose. Donc du coup, pour éviter comme je devais tourner la page et coller dans la suivante, donc j'ai fait une chose. J'ai pris une page d'un vieux cahier d'apprentissage de dessin écolier et je l'ai collé sur la colle pour éviter que ça colle les deux pages parce que de l'autre côté il y avait une chose très belle. Et après j'ai travaillé mon collage de l'autre côté. Puis quand ça a séché tout ça, je suis retourné et j'ai détaché la page du cahier écolier, ce qui a donné un effet mimo rotella sur la page neutre, pour ainsi dire, la page que je voulais, la page Où tu t'étais où j'avais trompé. pas de projet, pour ainsi dire. Et du coup, ça donnait du sens à cette page-là, puisque c'est le visage d'une vieille femme de Bruegel avec un gros nez, une vieille caricaturale, ce qui ne veut pas dire dépréciatif. Bruegel était très près du sentiment populaire, très près d'une contre-culture. Et ce qui s'est passé quand j'ai détaché la feuille de l'apprentissage de dessin, c'est que la vieille femme a conservé sa physionomie, mais a été enveloppée dans une espèce de brouillard. Là, c'est sous Luca Signorelli, je ne sais pas encore qu'est-ce que je vais faire. Je pense que je vais coller des choses. Et là, c'est toi en train de te brosser les dents. Comme un Pink Lady de Tadanori Joko, que j'admire beaucoup. Avec ton soutien-gorge et ta culotte. Et j'ai mis les moines sans sandi. Très intéressant. Merci. Ça c'est donc le deuxième entretien durant les pauses.